c'est pas ton merde, j'pété, c'est du dan dada. Minimum plus 20 sur la liste, dream team que des badass. T'entends les balles siffler dans le quartier comme à Damas. L'écho qui fait. J'fais comme si j'avais pas capté ton vice, mais t'es dans mon radar. Nique les chiffres d'une première semaine, j'sais que mon album il est ratat. Rien n'est dû au hasard, SNZ sur la placard. J'suis pas wanted, mais dans le métro c'est bien mateté qu'on placarde. Café serré, j'clope pas, mais j'aime bien les jeux de grattage et les films de braquage, ceux qui finissent par. Et devant la voiture de là-bas qu'on pète un jaune. Midi, minuit, toujours dans la zone. Dans mon répertoire j'ai plus de place, mais un peu plus que dans mi corazón. Oh, ça fait des années qu'on a toujours le vent en poupe. On arrive toujours entre couilles, ensuite on rentre en coupe. Les murs ont des oreilles, parfois sur nous on entend tout. Ils sont là depuis deux minutes, ils font déjà les